what we're gonna do now. We will have some background music now that will assist you. It is what it is. C'est un endroit étrange et merveilleux. Rien n'est comme ailleurs. It is what it is. With Laurent Garnier. A pure musical trip. What is the definition of a track? It is what it is. Please keep your attention. Manners. It is what it is. Bonjour et bienvenue sur It is what it is. Au sommaire aujourd'hui, de la bande originale de film, du jazz produit par un drum and bass man. On va écouter des trucs anglais, des trucs français et même des trucs belges. On va aussi parler à un des papas des nuits sonores, monsieur Vincent Carry, sur sa programmation pour l'édition 2010 de ce superbe festival. Encore des bonnes choses en perspective pour cette année, moi je vous le dis. Ça commence plutôt bien ce soir. Il y a un côté très chaleureux dans ce morceau de Herbel F. Le morceau s'appelle Frucht Alarm. Alors, je sais pas si Frucht, ça veut dire Frühstück. en tout cas, c'est mon interprétation. Ça vient juste de sortir sur le label Farside. Allez, on va rester sur le côté jazz et chaleureux. Comme ça, pour enchaîner. Il y a un artiste que je suis depuis très longtemps, qui est très connu dans la scène drum and bass, qui depuis bien longtemps cherche aussi à faire autre chose musicalement. C'est vrai qu'il a sorti des centaines de maxi sous son pseudo drum and bass, mais ça on en parlera plus tard. Et là, au mois de novembre dernier, sur son propre label, sur le label Signature, il a sorti un album qui est malheureusement passé un petit peu inaperçu, qui est vraiment magnifique. C'est très chaleureux, c'est très beau, très très bien joué, et c'est là où on se rend compte vraiment du talent de cet artiste. Et il a sorti ce disque-là sous son propre nom, sous son vrai nom, sous le nom de Dominique Martin. Pour tous les amoureux de belles musiques, de choses à écouter à la maison, de choses qu'on peut écouter, réécouter, réécouter encore, l'album s'appelle Shine a Light, donc sous le nom de Dominique Martin, et c'est sorti sur le label Signature. On écoute tout de suite un titre de cet album. Le titre s'appelle The Marches. It is what it is. Thank you. Oui, je dois avouer, j'aime ça. Même je pense que le mot j'aime, c'est pas assez fort. J'adore ça. J'adore ce disque, j'adore ce mec. Et Dominique Martin, c'est ni plus ni moins Monsieur Calibre. Donc forcément, radio oblige, enchaînement oblige, on écoute une nouveauté signée Calibre. Ça, il a fait ça avec Street File. Ça s'appelle Devil Inside. On double le tempo et on envoie un petit peu plus la monnaie. Ça sort sur le label Footprints. Encore une bonne sortie sur ce petit label. Allez, un petit coup de drum and bass, ça n'a jamais fait de mal à personne. Couleur 3. Thank you. what it is. Hier après-midi, quand j'étais avec mon fils, on était en train de regarder des trucs sur le net et sur YouTube, on est tombé sur les têtes à claques. Alors, ça fait longtemps qu'on suit les têtes à claques et puis il y en avait un que j'avais pas encore vu. L'épisode s'appelle Les têtes à claques dans le sud. Et en fin de compte, c'est Monique et Lucien et ils sont en Jamaïque au bord de la mer et elle écoute la radio. Elle écoute un track un peu comme ça et les paroles c'est un truc comme ça. Do you wanna smoke my shit, man? Yo, man. Et c'est juste à mourir de rire. Et voilà, depuis ça hier, on a tellement rigolé avec mon fils que j'ai réécouté beaucoup de reggae hier soir et je me suis réécouté le disque que je viens juste de vous passer, qui est un petit 45 tours que j'ai eu quand j'avais 12-13 ans et c'est un des seuls 45 tours white label que j'ai dans ma collection. Alors je peux vous dire que ça, c'est un trésor pour moi. C'est un artiste qui s'appelle Bago Wire. Il a sorti qu'un seul album et c'était sorti à l'époque sur le label Epic. Donc pour les fans de reggae styly qui ne connaissaient pas encore ce titre, il y a l'album de Bago Wire qui s'appelle Bago Wire et puis il y a deux petits 45 tours. Je sais même pas s'ils sont sortis dans le commerce. Ça par contre, je sais que ça sort. Je sais de sources sûres. Ça, c'est mon prochain maxi sur le label de Damien Lazarus, le label Crosstown Rebels. J'ai fait ça sous le nom de Alaska. Et le morceau s'appelle It's Just Music, avec un petit sample que j'ai emprunté comme ça, quelque part. Ça fait un bout de temps que les gens me demandent quand est-ce que ce maxi va sortir. Eh bien voilà, il est sorti. Allez, It's Just Music sur It Is What It Is. It's just music. We'll be right back. Is what it is. Retrouvez comme toutes les semaines toutes les informations sur la playlist et écoutez les anciennes émissions sur le site internet www.pedrobroadcast.com. Voilà, le morceau est sorti pour tous ceux qui me le demandent. Ça y est, vous pouvez vous le procurer enfin sur Crosstown Rebels. On va rester dans le monde de la musique électronique, mais là on va carrément redescendre de tempo. On va écouter quelque chose de beaucoup plus soft, beaucoup moins dansable. On est parti dans un univers complètement cinématographique. Sous le nom de Russian Linsman. Le morceau s'appelle Scrap of Paper Found While Moving House. Les petits bouts de papier qu'il a trouvés en déménageant. C'est tiré de l'Amsterdam Story Hippie, sorti sur le label Manual Music. Si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus sur cet artiste, allez sur sa page MySpace. Il y a beaucoup d'informations sur lui. Il y a aussi pas mal de musique à écouter. Surtout, il y a un DJ mix qu'il a fait, qu'il a enregistré, qui est vachement bien, qui est vraiment très intéressant. Russian Linsman, ça s'écrit R-U-2-S-I-A-N et Linsman, c'est L-I-N-E-S-M-A-N. Voilà pour les infos sur son MySpace. 3. Je suis dans les rues de Marseille, mais avec un Lyonnais. Bonjour Vincent. Salut Laurent. Alors toi Vincent, t'es programmateur, souvent je dis t'es le papa des nuits sonores du festival Les Nuits Sonores de Lyon. Bah oui. Tu viens juste de terminer la programmation, tu peux juste me dire 5 noms comme ça. Oh là, 5 noms. Histoire de m'exciter. Oh là. Que c'est dur. 5 noms. Uncle. Ouais. Uncle, super heureux et super fier de faire Uncle. Hot Chip. Ouais. Qu'est-ce que je vais te dire qui me fait vraiment très très plaisir cette année, Liars. Ouais, carrément. Ça me très très plaisir ça pour ça. On fait les Too Many pour finir un peu dans la fête le samedi soir. On fait Agoria bien sûr. On fait quelques Infiné. Fait Dennis Ferrer. On fait Dennis Ferrer. Body and Soul, le retour Body and Soul qui a fait 2 dates en France. C'est la deuxième fois chez nous. Donc c'est la deuxième fois qu'ils se retrouvent en France tous les trois. Tous les trois. François. Et ils vont jouer où là ce soir là? Et ben là c'est encore la piscine, c'est un hall des longues à la piscine le samedi, ouais. Samedi après-midi, un petit 15h-23h, on fait on fait pas mal de choses hein, cette année, un magnifique ping-pong, Marcel Detman, Ben Clock, les deux résidents de Berghain, Pano à Berlin, donc deux DJ qu'on adore. C'est énorme, tu peux juste me rappeler les dates là du festival vite. C'est du 12 au 16 mai. Lyon. Au 16 mai à Lyon. À Lyon. Voilà, et c'est le week-end de l'Ascension. Ça te fait quoi d'avoir tous ces gens qui viennent et tous les gens que je connais qui ont joué là-bas et ils ont tous la banane et ça fait quoi d'être peut-être le festival le plus pertinent en France de musique électronique, d'avoir organisé ça, d'arriver à organiser ça? C'est quand même une certaine fierté parce qu'on partait dans une ville où c'était pas si simple il y a une petite dizaine d'années quand on a commencé. On avait tous bossé, fait plein de trucs à Lyon, etc. Mais c'était la bataille. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une vraie reconnaissance pour le festival parce que les artistes ont envie d'y jouer, les pros ont envie d'y venir, le public est massif quand même. Ça attire beaucoup de monde. Et puis surtout, on a réussi à garder l'état d'esprit, ce qui nous paraissait quand même la priorité absolue, c'est-à-dire de faire un festival convivial, cool, sympa, pas oppressant pour les gens, relax. Avec un état d'esprit qui est ultra urbain, ultra convivial. Et je pense que c'est possible à Lyon parce que c'est la bonne taille de ville aussi. C'est une ville qui a l'état d'esprit qui va bien avec ce festival. Les deux, c'est une vraie rencontre entre un festival et une ville. Et du coup, ça polarise beaucoup. Maintenant, on a du public qui vient nous voir de toute l'Europe et c'est fabuleux. Donc, on est quand même un petit peu fiers. Génial. C'est qui l'artiste que vous n'avez pas eu, que tu rêves d'avoir un jour? Que tu n'auras peut-être jamais, on s'en fout de ça. C'est juste... Ça serait qui l'artiste ultime pour les nuits sonores pour toi? Honnêtement, s'ils étaient en mesure de venir jouer à la cool et de faire un truc dans notre état d'esprit, sans toute la machine derrière, j'aimerais qu'un jour les Daft viennent jouer à Nuits Sonores. Mmh. Mais ça s'est jamais fait parce qu'on n'a pas les moyens aujourd'hui et puis que c'est une mécanique qui est quand même très compliqué au niveau financier, logistique, etc. Mais j'aimerais beaucoup que les Daft Punk viennent jouer un jour à Nuits Sonores parce que je pense que c'est leur histoire aussi qui est encore dans ce festival. Cette année, on a raté LCD Sound System à 3 jours près. On était quand même un peu blasé parce qu'on avait très envie d'avoir LCD. Mais sinon, on a eu à peu près tout ce qu'on voulait quand même. Je peux jouer un petit disque pour toi là? Qu'est-ce que je peux jouer pour toi là? Ah, tout de suite, qu'est-ce que tu pourrais nous mettre de vraiment bien bien classe maintenant? Mets-moi là, vu l'heure qu'il est là et vu qu'on est quand même entre amis, tranquille, etc. Mets-moi un vieux Bachung. Un vieux Bachung. Un vieux Bachung sur le plaisir. Move. Tu vois? Voilà. Merci. Tranquillement. Merci Laurent. Merci. J'aimerais bien que ça fasse mal. much to feel. Son visage délicat, odeur de peau, des brûlures, des ravages intérieurs, des échos naturels. Alain Bachougne, le morceau J'envisage pour Vincent Carry, le papa des nuits sonores. Et j'exagérais pas lors de l'interview quand je lui disais qu'il organisait le festival français le plus important de musique électronique. Allez-y, parce que c'est quand même 5 jours de folie à Lyon. On change de son rapidement. On est parti sur la planète hip-hop avec le groupe The Trilogy. Le morceau s'appelle Double Edge. Warzone trilogy, move like World War 1, 2 and 3. Scream at a banshee, take over country like McDonald's did. Big ideas like birth of the pyramid. Babylon's dick in the dirt, they rape Mother Earth. Phoenix the rebirth, flame in the fire. In church when I speak in tongues, I'm too hungry to settle for crumbs. I'm double-edged Jay-Zyre, now you're Bengi with a barlet. I'm that dread, walk 6 foot above the dead. I'm life. I'm like reading the Bible to find out truth about 18 missing years of Christ. Mystery is how did he get that nice? Answers that you don't find in the lines. And then they find the Dead Sea Scrolls reveal it. The Vatican will come along and they start sealing it and ah! Yeah, for real. Right. Every man for himself, man. Dog eat dog. Yeah. Back to the trilogy, speak the unspoken speech on the melody. Better be betting on pedigree, better do it, better be aware of the enemy. Nikola Tesla invented free energy. Corporate industry, weren't having that though. You get me though, there ain't no dough in the freebie. So don't ask me for no free CD, but ask politely, you just might get it cheaply. Yeah, I wanna see the hungry fed. I'm old school like an Omec head. Take a look at the stars, I'm out there like that planet X. They talk about in the Sumerian text. Uniform. I wear the uniform of the ancient firstborn in the game of life. I speak once, but you hear me twice, twice. Cause I echo through your soul like good advice. And I search for truth. Shit, man. Yeah, man. I know what you're talking about, man. We in the last days and times right now, man. All the plans are here, man. End of the trilogy. Good over bad, man. I bang on the tyranny. Bang, bang, the killing spree. Bang, bang, hysterically. But think about it logically. Who's the one making the guns then? The customer? Nah, mate. The hustler? Nah, mate. The smuggler? Nah. It's the government. Blame the government. I'm anti-establishment, but what the heck? At least they're giving man a gyro check. Yeah, yeah, yeah. Voilà, je voulais en arriver là. Au moment où dans cette chanson, le mec dit « It is what it is ». Ça, ça me plaît bien. Ça me plaît bien, ça. Si vous avez envie d'un peu plus d'infos, d'ailleurs, sur les nuits sonores, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, il y a un site qui est déjà en place où vous pouvez voir absolument toute la programmation. Et le site, c'est www.nuit-sonore.com et vous verrez toute la programmation de 2010. Justement, en parlant de la programmation 2010, écoutons un petit truc de Claude Van Strook qui jouera là-bas cette année. Ce titre-là est tiré de son tout dernier EP à sortir très rapidement sur son propre label Dirty Bird. Le morceau, c'est Monsterland. Un petit peu d'électro, ça fait toujours du bien aussi, ça, l'électro. Wow. Les enfants, écoutez, je crois que j'ai le fin mot de l'histoire. Suivez bien. Sexe plus histoire de cul égale meurtre. Bien joué, Peter. L'enquête touche à sa fin. On va devenir célèbre. On va bientôt niquer. Mettez des capotes. C'est bon ça, ça c'est bon ça. Ça c'est le genre de truc qui enflamme le dance floor. Qui sait pas trop sur quel pied danser. Est-ce que c'est du dubstep? Est-ce que c'est du breakbeat? Est-ce que c'est du hip-hop? Pour moi c'est tout en même temps et c'est ça qui me plaît. Ça gouache méchamment. En ce moment je suis en train de me refaire la collection entière des Tarantino et donc j'ai revu le boulevard de la mort. Et dedans, il y a cette chanson qui est absolument incroyable. Il faut absolument que je la réécoute tout de suite, maintenant. C'est le Chic Habit de April March. Ça donne envie de sourire. We'll be right back. s'appeler Quentin Tarantino pour aller chercher ce genre de disque et les mettre... Et les mettre dans ses films, moi j'adore ça, je trouve que c'est un mec absolument génial, ses films sont géniaux et surtout les bandes-sons sont incroyables. C'est quand même un fou de musique, en plus d'être un fou de cinéma, c'est un barjot de musique. Et à mon avis, comme vous tous, j'ai toujours découvert des tonnes de morceaux dans ses films. L'émission touche malheureusement à sa fin, il est presque l'heure, on a presque fini, il nous reste plus que la place de jouer un tout petit morceau. Je vous rappelle pour toute la playlist de l'émission www.pedrobroadcast.com et puis bah pour la suite, ça sera la semaine prochaine à la même heure sur la même fréquence pour une nouvelle It Is What It Is. Je vous laisse dans les mains de San Soda et Just Nathan. Un petit morceau bien lent mais bien bien trippé. C'est pas le tempo qui compte dans ce genre de morceau, c'est le mental. C'est le genre de truc qui met la tempête dans la tête. En tout cas, passez une très très bonne semaine et un très bon week-end. Soyez curieux, écoutez beaucoup de musique. À très bientôt. Bye bye. Téhéran, 20h30. Dallas, 11h.